Si j'étais perdu, si j'avais volé, si j'avais trahi, si j'étais damné, si j'avais goûté à la boue des rues, est-ce que tu viendrais si j'étais perdu? Est-ce que ta tendresse est assez profonde pour porter secours à l'amour qui tombe? Si j'avais la nuit tout au fond des yeux, saurais-tu me dire où est le bleu? Si j'étais perdu et abandonné de tous les amis qu'on m'avait donné, si j'avais commis mille erreurs de plus, m'aurais-tu béni si j'étais si c'était toi qui étais perdu, j'aurais, je crois, tellement couru que j'aurais fini par te retrouver dans l'infini éternité. Si je